étant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds. Provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. De haine et de violence supportée dans le silence. Le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Yeah. Oh. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci, merci, merci, merci pour le prix payé. Merci. Merci, merci, merci, merci, pour ton sacrifice, Jésus, merci, Jésus, merci, disons-lui merci de tout notre cœur ce soir, merci. Merci. Merci. Oh, oh,

Wewe, nitege, vinyo tsaya subuiba. Wewe,